Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, dont voici les principaux titres. La population peut célébrer les fêtes de la fin de l'année en toute tranquillité, mais elle doit aussi être vigilante. Cette assurance est du ministre de la Sécurité publique. Vous allez l'entendre dans ce journal. Les résolutions des problèmes qui ont poussé les réfugiés à quitter leur pays. C'est le mécanisme proposé aux États par la 32e session des pays de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne pour préparer le rapatriement volontaire des réfugiés. C'est l'annonce du premier vice-président de l'Assemblée nationale de retour de la 32e session des ACPUE. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et le Fonds national d'investissement communal serait la barrière de décaissement des 500 millions par le gouvernement au profit des communes. Les députés s'interrogent leurs inquiétudes. C'est dans ce journal. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La population peut célébrer les fêtes de la fin d'année en toute tranquillité, mais elle doit être aussi vigilante. Et c'est ce que vient d'annoncer le ministre de la Sécurité après avoir visité ce samedi les troupes déployées dans la capitale Bujumbura. Suivez le ministre de la Sécurité publique, Alain Guillaume Bunyoni. Il est au micro de Didier Niyonzima. Nous avons effectué une descente sur terrain en compagnie du maire de la ville de Bujumbura pour nous rassurer d'abord que les instructions de prévention, de protection, de sécurisation des populations et de leurs biens ont été mises en œuvre correctement. Et c'est pourquoi nous avons pu visiter différents coins, et différentes positions et différents postes d'intervention rapide. Nous avons constaté effectivement que le déploiement au sein de la capitale est bien fait et que tous les moyens nécessaires ont été mis à la disposition des forces de sécurité pour prévenir toute force de mal qui viendrait perturber la population au cours de ces fêtes de fin d'année. Après avoir constaté tout cela, nous voulions lancer un message encore une fois à la population de Bujumbura, de la mairie de Bujumbura, mais aussi à toute la population burundaise pour les rassurer de la sécurité et qui règne et que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser les fêtes de fin d'année. Nous voudrions encore une fois lancer un appel à tous les Burundais, non seulement de fêter très paisiblement, en toute tranquillité, mais aussi d'être chaque fois aux aguets, d'être chaque fois attentionné pour tout ce qui viendrait donc perturber la sécurité. Alain Guillaume Bunyoni, il est le ministre de la Sécurité publique. Du côté de la police de roulage et de la sécurité routière PCR, cette police a déployé les moyens nécessaires pour traquer ceux qui conduisent après avoir consommé un excès d'alcool et ceux qui font excès de vitesse durant ces jours de fête de fin d'année. Cela vient d'être dit également par Alfred Mousselemo, commandant de la PCR, qui interpelle également les conducteurs à respecter la loi. Suivez-le, il est au micro de Didier Niyonzima. Vous nous avez trouvé sur le terrain, là où on est en train d'exécuter les missions normalement dévolues à l'unité de police de roulage de sécurité routière, qui consiste à faire respecter le code de la route. Et nous sommes ici en période de fin d'année où on assiste à un phénomène où les gens conduisent sous l'effet de l'alcool, où aussi il y a des gens qui font un excès de vitesse dû à différentes raisons. Et c'est pourquoi nous avons déployé les moyens nécessaires pour traquer ceux qui conduisent en ayant bu de l'alcool et aussi pour traquer ceux qui font excès de vitesse puisque cela pourrait influer négativement sur la sécurité de la population. Et selon l'article 200 du code de circulation routière, il est interdit à tout conducteur de dépasser 50 km par heure en agglomération ou en milieu urbain. Il est aussi interdit aux conducteurs de dépasser 100 km par heure en rase campagne. Et comme vous venez de le voir, on a un outil qui sert à mesurer le taux d'alcoolémie. Et cet appareil, comme vous le voyez, est communément appelé alcotest. Le seuil autorisé pour les conducteurs est de 80 mg d'alcool par litre d'air, ce qui est équivalent à 2 verres de bière. Alfred Moussel, commandant de la PSR. De la page sécurité, nous passons à la page politique. Les États doivent d'abord résoudre les problèmes qui ont poussé les réfugiés à quitter leur pays pour préparer leur rapatriement volontaire. C'est ce qu'annonce le premier vice-président de l'Assemblée nationale de retour de la 32e session des pays de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne. Kwasa Agathon indique que dans cette session, il a été recommandé aux États d'accueillir les rapatriés avec dignité. On l'écoute. Le rapatriement ou la réinstallation des migrants, quelquefois, se fait dans des conditions qui ne tiennent pas du tout compte de la nature même de l'homme. C'est comme si c'était des rebuts de la société. À cette question, comment vous avez pu arriver à des réponses à la gestion des réfugiés, surtout dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est? On n'a pas été trop spécifique par rapport à cette question, mais le constat est que des fois, les réfugiés quittent un pays, ils s'installent dans des pays aux alentours du leur, mais des fois, les traitements ne sont pas toujours identiques. Et cela s'explique du fait que chaque pays a sa politique peut-être à la matière. Ainsi, on voit par exemple que les réfugiés burundais dans nos pays limitrophes ne sont pas traités de la même manière. Ça a été un appel à tous les États et à tous les organismes qui œuvrent dans ce secteur, l'OACR et autres organisations internationales, que tous s'imprègnent de cette dimension humaine, la dignité des gens qui doivent être réinstallés. Il ne faut pas que ce soit comme des gens jetés à leur propre sort, mais qu'il y ait effectivement un accompagnement par ces organismes, par les différents États récepteurs, pour que effectivement l'homme soit toujours respecté dans sa nature et dans sa destinée par les mécanismes qui sont là au niveau national et international. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale précisait que la 32e session des pays de la CPUE s'est penchée également sur la fraude fiscale qui cause un manque à gagner énorme aux États de la CP. Kwasa Agathon dit que la coopération entre les États est l'une des réponses à ce défi. Encore une fois, on l'écoute. Les flux financiers illicites peuvent être contenus, mais qu'il faut que les États revoient leur politique à la matière pour limiter les dégâts tout d'abord, mais au finish pour en fait mettre un terme à ce genre de pratique, notamment en voyant comment on met en place des lois qui sont susceptibles d'être appliquées, et si ces lois-là existent, de les appliquer comme il s'y est, mais aussi qu'il faut une coopération entre les différents États. Parce que, quelque part, on a vu que le manque de coopération judiciaire, par exemple, en la matière, peut en quelque sorte être un handicap dans l'éradication de ce fléau. Un fléau qui cause des pertes énormes, parce que c'est en termes de milliers de milliards de dollars qui s'envolent, alors que la coopération au développement entre nos États est à peine de quelques 200 millions seulement par an. Donc, si on parvenait à contenir ce mouvement-là, des flux illicites, c'est-à-dire que le développement serait une réalité dans nos pays ACP surtout. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains députés s'inquiètent si le phonique ne constituerait pas un obstacle aux communes pour avoir accès à la somme de 500 millions octroyée par le gouvernement. Cela a été soulevé lors de l'adoption du projet du budget exercice 2017. C'était ce jeudi. Le ministre des Finances tranquillise que la révision du code des marchés publics est en cours avec notamment pour objectif de faciliter les communes. Le point avec Alain Désiré Boukayenez. Parmi les députés qui ont des inquiétudes figure le député Juvenal Ndahiragije. Il dit que certaines communes n'ont pas encore eu accès à la somme de 500 millions octroyée par le gouvernement au cours de cette année. Il demande au ministre des Finances si la somme tombe en annulation à la fin de l'année. Concernant cette somme allouée aux communes, il y en a celles qui n'ont peut-être pas utilisé les 500 millions. Étant donné qu'actuellement, cette allocation est de 500 millions, est-ce qu'on peut dire que cette allocation de 2016 est tombée en annulation? Comme il n'est prévu nulle part que cet argent non utilisé va s'ajouter à ces 500 millions pour la prochaine allocation, pour ces communes qui n'ont pas eu cette allocation, est-ce qu'elles vont bénéficier d'un milliard pour l'année 2017? Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, fait savoir que le budget est annuel. Il y en a celles qui ont utilisé cet argent, mais juste une petite somme. Et la question principale que vous avez posée est de savoir si on va garder pour ces communes la somme non utilisée. D'où est-ce qu'on va trouver cet argent? On ne peut pas tirer l'argent du budget de 2017 pour le ramener dans 2016 alors qu'il n'y a pas de marché donné. Pour toutes les communes qui avaient des projets, jusqu'au 15 décembre, nous avons tout fait pour éviter que l'argent tombe en annulation. Le député Révérien Zigamasabo, quant à lui, s'inquiète si le FONIC ne constituerait pas un obstacle qui ralentit les projets des communes. Quand il s'agit de transfert, on trouve que l'argent alloué passe par le FONIC et ceci retarde parfois les projets des communes. Je voudrais demander au ministre pourquoi cet argent doit passer par le FONIC au lieu d'être transféré directement sur les comptes des communes et que le FONIC fasse l'accompagnement technique seulement. Le ministre Domitien Ndihokubwayo dit que le code des marchés publics est en cours de révision pour faciliter ces communes. Peut-être qu'on s'assira ensemble pour voir si réellement cela alourdit les procédures ou cela sécurise pour que cet argent puisse parvenir rapidement aux communes. Je vous dirai qu'il y a ceux qui sont en train de travailler sur la révision du code des marchés publics pour qu'il y ait des dispositions qui permettraient à cet argent d'être entre les mains des communes rapidement, que les fonds ne restent pas là sans rien faire, que plutôt les communes réalisent leur projet, car le vrai développement réside dans cet argent alloué aux communes. La somme de 500 millions est octroyée par le gouvernement aux communes chaque année pour les projets de développement. Nous disons merci à Alain Désiré Boukeneza pour ce reportage Le Soleil Accablant qui sévit depuis près d'un mois, notamment en commune Gihanga, Manda, Maranvia et Muzinda, provoque déjà le dessèchement des cultures. Par ailleurs, le barrage d'Okajeke qui pouvait irriguer plus de 3000 hectares s'est écroulé avant que sa construction ne s'achève. Supes Caritas Kabanyana. Les champs de maïs, de haricots, de soja, de sorgho et autres sont déjà détruits par le soleil accablant qu'on observe dans les localités de Gihanga, Maranja, Manda et Muzinda depuis bientôt un mois. Aucune goutte de pluie ne tombe et les cultivateurs disent qu'avoir les prix des denrées alimentaires sur les marchés, la disette a déjà toqué sur les portes et ils déplorent également le fait qu'ils ne vont rien récolter parce qu'il ne pleut pas. On dirait que c'est la saison sèche selon les populations contactées. Les cultivateurs de Gihanga déplorent aussi le fait que le barrage de Kajeke qui pourrait irriguer plus de 3000 hectares de culture n'a jamais été fonctionnel. Il s'est écroulé avant que sa construction ne s'achève. Des sources administratives indiquent que ce barrage, dont la mise en place a coûté plus de 12 milliards de francs burundais, va encore une fois être reconstruit après les études qui vont bientôt commencer. À la DPAE Ouvanza, les encadreurs agricoles demandent à la population de planter des arbres partout où c'est possible, mais aussi des cultures qui résistent au changement climatique comme les patates douces, le manioc et autres. Spécialitas Kabanyana, Ouvanza, Radio Isanganiro. Par rapport à ce barrage de Kajeke, certains députés s'inquiètent sur le retard observé dans sa construction. Le député Ladislas Nindeleye rappelle qu'il y avait des fonds alloués aux travaux d'aménagement de ce barrage. Suivez-le, c'était lors de la séance de présentation du projet de loi budgétaire par le ministre des Finances. Il est traduit par Aubin Nyonguru. de la construction du barrage hydro-agricole. À propos de la construction du barrage hydro-agricole d'Okajeke, l'on a demandé au président de la Cour des comptes à quoi sera affectée la somme des milliards. Il a dit que cette somme sera utilisé pour les frais d'études et autres travaux. Si j'ai bonne mémoire, il y a 2 ou 3 ans que ce projet de construction du barrage d'Okajeke est en cours. On sait aussi qu'avant l'exécution de tout projet, des études doivent être menées. À ce sujet, j'aimerais avoir des éclaircissements. Quelle est la place des frais d'études dans ce projet de loi? Comme les frais de construction de ce barrage passent aussi dans votre ministère, où en est les travaux? À ces inquiétudes des députés, le ministre des Finances répond que la construction de ce barrage reste une préoccupation pour le gouvernement. Domitien Dihokubayo promet que ce barrage sera reconstruit l'année prochaine. Il est lui-même traduit par Aubin Niyonkuru. Je voudrais vous l'annoncer. La construction de ce barrage avait bien commencé. Mais à un certain moment, il s'est avéré que les travaux n'allaient pas bon train. Certaines constructions se sont même effondrées. Comme ce barrage restait notre préoccupation au sein du gouvernement, nous voulons qu'il soit construit parce qu'il aidera dans l'augmentation de la production. Nous voulons qu'il y ait d'autres études pour qu'il soit bien construit. Au cours de cette année, oui, le budget avait été prévu, mais les travaux n'ont pas eu lieu. Vous savez que certains travaux requièrent des experts étrangers. Alors, avec la situation que traversait le pays, certains ne sont pas venus. Comme le ministre de l'Agriculture me l'a annoncé, des discussions avec ces experts sont en cours. Nous pensons qu'au cours de l'année 2017, ce barrage sera construit. C'était là Domitien Dihokubayo, le ministre des Finances. Et pour terminer ce journal, l'association Arkami a sorti ce jeudi un communiqué dans lequel elle demande aux leaders et acteurs politiques de tirer les leçons du passé et de mettre en place des programmes concertés et cohérents pour l'avenir du Burundi, en privilégiant le respect du verdict populaire au lieu de continuer à polémiquer inutilement. La dite association conseille au gouvernement et à ses partenaires de nouer des relations axées sur le respect mutuel, la vérité, la compréhension, la solidarité et la lutte contre toutes les formes d'exclusion. Et voilà, fin de ce journal. Mais je vous apprends que tout de suite après ce journal, vous allez suivre la revue de la presse. Merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite des programmes de la Radio Isanganiro. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le journal Iwachu écrit sur ce qu'il qualifie de criminel du dialogue. Il se demande si les déclarations du facilitateur Benjamin Mkapa et sa récusation vont arrêter le dialogue inter-burundais. L'hebdomadaire posait plusieurs hypothèses pour tenter de comprendre ce que veut réellement l'ancien président tanzanien à travers ses déclarations du 12 décembre dernier. Elle démontre qu'il veut écarter le Sénared du dialogue, du moins une partie de ses membres indésirables par Bujumbura. Pour le journal, si Mkapa veut écarter les acteurs violents de ce dialogue, il les trouvera des deux côtés de la table. Sauf que certains sont plus difficiles à écarter que d'autres. Ce qui est presque sûr, selon encore Iwachu, c'est qu'il continuera à être facilitateur, que le Sénared le veuille ou non. Iwachu qui semble avoir jeté un coup d'œil dans le porte-monnaie d'un fonctionnaire. Il parle d'un enseignant et d'un policier à quelques heures de la fête de Noël. Avec un salaire de 190 000 francs pour le premier et 200 000 francs burundais pour le second, le paiement de loyer respectivement de 150 000 et 100 000 francs burundais. Comment voulez-vous que je fête avec 40 000 francs bou? S'interroge l'enseignant, sans parler des jours qui vont suivre après Noël. Compter sur les salaires pour célébrer quoi que ce soit est une utopie, lâche le policier. L'agence Net Presse revient sur le projet de loi budgétaire exercice 2017 qui vient d'être voté par le Parlement burundais et qui a été qualifié de budget d'austérité. Elle se demande s'il s'agit d'une austérité pour les privilégiés ou les miséreux. Le ministre Domitien Ndihokubwayo, ayant en charge les finances, affirme que le gouvernement avait adopté une politique budgétaire prudente et d'austérité. Mais suite au gel de coopération par les grands financiers du Burundi, l'agence en ligne s'interroge si l'austérité va frapper la classe des privilégiés ou la couche faible de la population. Pour encore le ministre que Net Press qualifie de grand argentier du gouvernement burundais, cette politique d'austérité diminue les dépenses de consommation. Des opinions s'interrogent sur comment la diminution des dépenses de consommation ne peut pas commencer par les hautes autorités qui, au cours de leur voyage en mission à l'étranger, se déplacent dans des classes VIP. Mais là, le ministre a répondu que parfois, ces hauts dignitaires se déplacent en travaillant. Revue de la presse. L'insuffisance de l'énergie électrique impose le système de délestage, titre l'agence burundaise de presse. La population se plaint en effet de l'insuffisance du courant électrique, que ce soit dans les ménages ou dans les entreprises, aussi bien dans la capitale Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Les autorités en charge de la régie des eaux attribuent cette situation à l'insuffisance de l'eau des pluies. Les plaintes du délestage des quartiers en courant électrique est une réalité depuis un certain temps, poursuit la BP. Le ministre burundais de l'énergie explique que le niveau de l'eau est encore bas dans le lac de retenue du barrage de Guegura. La communauté de jeunes blogueurs burundais, Yaga, écrit sur la bière et ses revers. De plus en plus de jeunes consomment en effet l'alcool excessivement, sans se soucier des conséquences sur leur santé. L'alcool peut être bon pour la digestion lorsqu'il est pris après un repas. Il décompose les aliments qui sont consommés et fait qu'il soit plus facile pour la matière de se déplacer à travers le tube digestif. Médicalement, certains chercheurs ont établi que la consommation d'un ou deux verres d'alcool chaque jour diminuait les risques d'être atteint de maladies cardiovasculaires au cours de sa vie. Mais quelque part, l'alcool tue lentement aussi. Selon le billet Yaga. La consommation abusive d'alcool est la troisième cause de décès après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Elle est responsable directement ou indirectement d'environ 45 000 décès par an. La cirrhose du foie, l'hépatite, l'inflammation du pancréas, etc. Malgré tout ça, peu de gens tiennent compte des risques et se rassurent par un, je cite, « ça n'arrive qu'aux autres ». Fin de citation. La communauté des blogueurs Yaga qui écrit aussi sur les souhaits pour l'année qui s'annonce 2017. Que 2017 ne soit pas comme 2015 ou 2016, lit-on à travers le titre du billet. En 2017, écrit la blogueuse Bella Lucia, j'attends le meilleur. En 2015, j'étais à l'agonie et malgré sa gentillesse, 2016 ne m'a aidé qu'à survivre. S'il te plaît, je ne veux plus survivre, je veux vivre mes rêves, ma passion. Je veux développer mes talents et être utile à mon pays. Cher Nouvel An, ne sois pas méchant comme 2015 l'a été. Ainsi s'achève cette revue de la presse qui vous a été présentée par Léon Sebitaliho et Emeline Nibogoda. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.